3. Le frère et la sœur. Clément, levé de grand matin, fit sortir de l'armoire et brossa avec un soin tout particulier les diverses parties d'un costume, dont il ne faisait usage que dans les occasions solennelles. Ce costume, sa première emplette à Paris, datait de plus de 3 ans. Pour l'acheter, il avait fait, alors, une large brèche à ses modestes finances. Mais il avait bien fallu se mettre en état d'aller rendre visite au professeur et de se présenter aux examens dans une tenue convenable. D'ailleurs, c'était une dépense exceptionnelle, et qui ne devait point se reproduire pendant toute la durée des études. Aussi, le précieux vêtement était-il l'objet d'une surveillance et d'un entretien aussi minutieux que s'il se fût agi de la conservation d'une relique. L'habit, le pantalon, le gilet furent étalés sur le lit. Clément les soumit l'un après l'autre à une revue sévère. Il s'assura de la solidité des boutons. Il essaya de faire revivre un lustre depuis longtemps disparu. Il exerça sur les jambes du pantalon de légères tensions en différents sens, afin d'atténuer la trace un peu trop accusée des genoux. Ces opérations terminées, il passa sur sa chaussure une couche de vernis, lissa de son mieux le duvet de son chapeau et s'efforça de rendre à leur couleur primitive en les frottant avec de la gomme élastique, des gants que le service avait quelque peu basanés. Enfin, ne trouvant plus rien à vernir, à lustrer ni à brosser, il procéda à sa toilette, qui, vu la gravité de la circonstance, fut cette fois plus encore que les autres l'objet d'une sérieuse attention. Puis il se regarda dans une petite glace, à peu près perdue au milieu du vaste panneau gris qui surmontait la cheminée de sa chambre. Il est probable que le résultat de cette contemplation ne fut pas très satisfaisant, car au lieu de s'adresser un sourire de félicitation, comme le fait en pareille occasion un homme content de lui-même, Clément se mit à hausser les épaules. « Voilà, pensait-il, toute une matinée consacrée à ma toilette, et je ne saurais calculer tout ce qu'a coûté de sueur à mon père le vêtement que je porte. En suis-je mieux? Et quelle figure vais-je faire à côté de l'ami que j'attends? Toute ma recherche n'aura abouti qu'à mettre dans un plus beau jour la finesse de son linge, la fraîcheur de son gilet, la coupe nouvelle de son habit. Oserais-je, lorsqu'il regardera l'heure à ce chef-d'œuvre de Breguet, que retient une chaîne élégante attachée à sa boutonnière, tirer de mon gousset la grosse montre d'argent, dont pourtant ma mère ne s'est séparée qu'avec larmes, pour m'en faire don, en me disant adieu. Et, mon Dieu, le cuisinier de la maison, où l'on va me présenter, ne voudrait certainement pas de mon costume pour se parer dans ses jours de sortie. Bizarre position que la mienne. Si je me montrais ainsi vêtu dans mon village, mes compagnons d'enfance ne voudraient point me reconnaître. Ils se tiendraient à distance. Ils m'appelleraient le monsieur, le seigneur, le prince. Ici, je ne suis même pas au niveau des domestiques de ceux dont on a voulu me faire l'égal. » Un coup légèrement frappé sur l'épaule de Clément le tira de sa rêverie. Il se retourna. C'était Georges qui venait d'entrer. Par une suite naturelle des réflexions auxquelles il s'était livré, Clément embrassa d'un premier regard tout l'extérieur de son ami. Sa poitrine parut aussitôt respirer plus librement. Il y eut même comme une expression de reconnaissance dans l'accueil affectueux qu'il fit à Georges. Celui-ci, par un raffinement de délicatesse, connu seulement des âmes véritablement bonnes, s'était composé une toilette si simple que, loin d'écraser celle de Clément, elle lui laissait au contraire la supériorité de la recherche et de l'élégance. « Allons, » dit Georges avec un sourire de bonne humeur, « tu t'admireras une autre fois, beau Narcisse. J'ai appris qu'il y avait aujourd'hui une réunion du conseil d'administration. Ne perdons pas de temps. Je ne serais point fâché que mon oncle t'eût vu avant de t'y rendre. » M. Dorvaux reçut Clément avec une grande affabilité. « Les amis de mon neveu, lui dit-il, sont les miens. J'apprécie trop les qualités et le mérite de Georges pour ne pas être porté d'inclination à estimer et à aimer ce qu'il aime et qu'il estime. Soyez donc le bienvenu, et croyez que je m'emploierai de tout mon pouvoir à vous être utile. Je sais ce que vous attendez de moi. Plusieurs sujets seront présentés aujourd'hui pour les fonctions dont vous désirez être revêtu. Ma première démarche sera de demander un sursis que je me fais fort d'obtenir. Je ne mettrai votre candidature en avant qu'à la prochaine séance, et avec quelque succès, je l'espère. L'heure de notre réunion ne me permet pas d'avoir avec vous en ce moment un plus long entretien. C'est une contrariété dont je serais heureux que vous vouliez bien me dédommager à mon retour. Je vous prie donc d'accepter sans façon notre dîner de famille. Mélanie, ma fille, aidera Georges pendant mon absence à vous faire les honneurs de ma maison. » Clément ne s'était attendu qu'à une réception polie. Il fut enthousiasmé des paroles bienveillantes de M. Dorvaux, et du ton plus bienveillant encore qu'il avait mis à les prononcer. Ce premier succès acheva de lui donner cette confiance en soi-même qui, sans arriver à la fatuité, est nécessaire à un homme, quand, pour se faire valoir, il n'a pas une réputation acquise. Georges, obligé de s'absenter pour quelques heures, présenta son ami à sa cousine. Mademoiselle Mélanie ne se montra ni moins aimable, ni moins bienveillante que M. Dorvaux. Clément se sentit de plus en plus enhardi. Les pensées décourageantes que lui avait inspirées une humiliante comparaison s'étaient définitivement évanouies. Il lui vint de l'esprit et de la gaieté. Sa conversation fut à la fois vive, enjouée et brillante. Le premier jugement de Mademoiselle Mélanie lui fut favorable. Aussi fit-elle feu de toutes ses séductions pour qu'il ne conçût pas d'elle une opinion moins flatteuse. Nous ne dirons pas que le cœur de Clément fut, à l'aspect de Mademoiselle Dorvaux, surpris par un de ces amours soudains, irrésistibles, qui ne naissent guère que sous la plume des romanciers. Il admira la vivacité de ses beaux yeux noirs, la régularité de ses traits, l'expression fine de sa physionomie, l'élégance de toute sa personne. Mais il n'en ressentit point d'autre impression que celle qui nous saisit tous à la vue d'une jolie femme que nous apercevons pour la première fois. Cependant, il ne laissait pas de songer en lui-même qu'un mari devrait s'estimer heureux de posséder une femme si gracieuse, dont l'entretien était si séduisant, et qui savait mettre tant de goût dans sa parure. Peut-être même l'ambition de notre songeur se laissait-elle involontairement aller à bâtir quelqu'un de ses châteaux en Espagne, dont la solidité, nous semble, à de certains moments et dans de certaines dispositions d'esprit, dépendre de notre seule volonté. Dans l'hôtel qu'occupait M. Dorvaux, il y avait un très beau jardin, à l'extrémité duquel s'élevait une serre pour les plantes exotiques. Mademoiselle Mélanie engagea Clément à l'y accompagner. Elle voulut lui faire admirer une superbe collection d'ixias dont elle s'était réservé la culture. Clément n'eut garde de se faire prier. Tant d'égards et de prévenances le transportent. Son origine, sa pauvreté, sa défiance de l'avenir, tout est oublié. On dirait qu'il a toute sa vie foulé les tapis de ses riches salons, parcouru les allées finement sablées de ce jardin, et soutenu le bras charmant qui s'appuie sur son bras. Clément et Mademoiselle Mélanie viennent de traverser un bosquet. Ils entrent dans l'allée qui conduit à la serre. À quelques pas devant eux se trouve une jeune fille coiffée d'un bonnet et portant tablier. « Thérèse !» appelle Mademoiselle Dorvaux. « Thérèse !» répète Clément avec le brusque tressaillement d'un homme que vient de frapper une commotion électrique. Ce nom l'a fait descendre tout à coup des nuages au-dessus desquels il planait. Il regarde, c'est sa sœur. Sa sœur à Paris, chez M. Dorvaux. Thérèse n'a point voulu que son frère fût instruit du sacrifice qu'elle a fait de sa liberté. Elle connaît trop bien son orgueil. Sa sœur, avec le bonnet orné de rubans et le tablier de soie, costume traditionnel des femmes de chambre de bonne maison. Dire tout ce que la fierté, la honte, la crainte suggérèrent à Clément de penser rapide comme l'éclair, ce serait impossible. Cependant, Thérèse accourt. Elle reconnaît son frère et pousse un cri de surprise. Cédant au premier mouvement de son cœur, elle va s'élancer au cou de Clément, mais son regard rencontre un regard si inquiet et si suppliant qu'elle s'arrête aussitôt. Le mot « frère » ne s'échappe même pas de sa bouche. Bien que tout cela se soit passé en beaucoup moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le mutuel étonnement de Clément et de Thérèse a frappé Mademoiselle Dorvaux. « Vous connaissez cette fille ?» dit-elle à Clément. Celui-ci, interdit, va balbutier quelques phrases maladroites. Thérèse, la bonne et dévouée Thérèse, se hâte de venir à son secours. « Oui, mademoiselle, j'ai eu le bonheur d'être élevée dans la maison de M. Clément. » Cette dissimulation, toute innocente qu'elle soit, lui a coûté beaucoup. Mais elle se croit récompensée au-delà de ce qu'elle a fait par le fervent merci qui brille dans les yeux de son frère. « Des qualités, reprend Mademoiselle Mélanie, d'un petit ton protecteur, un charmant caractère, peu de connaissances du service, mais assez de bonne volonté. Elle se formera. » Clément est sur des épines. « Je vous ai appelé, Thérèse, poursuit Mademoiselle Dorvaux, pour attacher le lacet de ma bottine, qui est défait. » Pendant que la maîtresse s'appuie sur le bras de l'avocat Clément, comme sur celui d'un égal, Thérèse, la femme de chambre, s'agenouille pour rattacher le lacet dénoué. Mais elle est si émue, si troublée, qu'avant d'y parvenir, elle est obligée de s'y reprendre à plusieurs fois. « Mon Dieu, qu'avez-vous donc aujourd'hui? Je ne vous ai jamais vue si maladroite. » Thérèse se relève. Elle veut prononcer quelques paroles d'excuse. « c'est bien, laissez-nous. » Thérèse s'éloigne, les larmes aux yeux. Clément, le cœur gros, se retourne machinalement, comme pour suivre sa sœur. « Ce n'est pas là notre chemin, lui dit en riant Mademoiselle Dorvaux. La serre est devant nous. » Clément suit la route indiquée. Mais il n'a plus ni rire pour applaudir au saillie, ni saillie pour exciter les rires de sa jolie et folle conductrice. Il est distrait, il est chagrin. Ses réponses se font attendre, et n'ont pas toujours le mérite de la propos. Il regarde à peine Anixia bulbocodium qu'on recommande à son attention et tombe en extase devant un agapanthus défleuri qu'on a dédaigné de lui indiquer. Enfin, il devient si bizarre et si incompréhensible que Mademoiselle Mélanie, en sortant de la serre, prétexte quelques ordres à donner et s'excuse de le laisser seul au jardin. Il était temps. Clément allait suffoquer. Il se laisse tomber sur un banc au fond d'un bosquet et il s'écrie « Ma sœur à Paris, ma sœur en service, et chez qui ? Chez l'homme qui doit me protéger, chez la femme qui, tout à l'heure, s'appuyait sur moi et prodiguait à mon admiration toutes les grâces de son esprit. De quel regard de dédain elle m'écraserait si elle savait qu'elle a quitté les louanges du frère de sa femme de chambre ? Et comme le père fermerait sa porte à l'impertinent fils de paysan qui ose aspirer à l'honneur de sa protection ? Oh, pourquoi m'a-t-on fourvoyé dans un monde qui n'est pas celui de mes proches, au milieu de gens qui accordent seulement au masque dont je suis couvert une considération qu'ils me refuseraient si je leur laissais voir à nu mon visage ? Est-ce mon bonheur que vous avez eu en vue, ô mon père ? Ou n'avez-vous été guidé que par un sentiment de vanité ? Je ne sais si votre vanité sera jamais satisfaite. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous m'avez rendu bien malheureux. » Un bruit de pas précipité frappe l'oreille de Clément. Il lève la tête. Il aperçoit deux personnes qui entrent en courant dans le bosquet où il est assis. C'est Thérèse, poursuivie par Jacques, un des domestiques de M. Dorvaux. Jacques a saisi Thérèse par la taille. « Vous aurez beau vous débattre et faire la mijaurée, j'ai parié que je vous embrasserai. Je vous embrasserai. » Clément, indigné, ne fait qu'un bond jusqu'au valet. Insolent. Et par un geste vigoureux, il l'envoie s'asseoir sur l'herbe à quelques pas. Jacques, furieux, va s'élancer sur l'importun, distributeur d'épithètes et de gourmades, mais à la vue du beau jeune homme qui tout à l'heure accompagnait Mademoiselle Mélanie, il s'arrête confus, et d'un ton respectueux. « Monsieur voudra bien me pardonner. Si j'avais pensé trouver ici monsieur, je ne me serais point permis de venir l'y déranger. » Pendant que Jacques se retire en faisant force salutation, « Le misérable, se dit Clément, après avoir manqué à la sœur, il ne se ferait certainement pas scrupule de rosser le frère, mais il se confond en excuses devant l'ami du maître. » Jacques a disparu. Thérèse se jette dans les bras de Clément. « Mon frère, ma pauvre sœur, je puis t'embrasser, personne ne nous voit. » Ce mot tombe comme un remords sur le cœur de Clément. « Ma bonne, ma chère Thérèse, pardonne-moi, je suis un insensé, un orgueilleux. » « Non, mon ami, c'est moi qui ai été folle et étourdie. Que veux-tu ? Je ne m'attendais pas à voir là, tout à coup, devant moi, après une séparation si longue, le frère que j'ai toujours tant aimé. Repousser l'élan d'un cœur comme le tien, c'est indigne. Tu ne pouvais faire autrement, grand Dieu, qu'aurait pensé mademoiselle ? Oh, j'avais compris tout de suite qu'il fallait refouler au fond de moi-même tous mes sentiments, que je devais ne point prononcer ce nom de frère que mes lèvres ont eu tant de peine à retenir. Ne pas sauter à ton cou, ne pas te crier en pleurant de joie « C'est toi, c'est moi, Thérèse, ta sœur !» Mais embrasse-moi encore, quel bonheur de te revoir !» Et Thérèse a enlacé ses mains autour du cou de Clément, et elle l'embrasse, et elle pleure, et elle rit tout à la fois. « Oui, reprit-elle, voilà ce que je ne pourrais faire devant ces gens-là. Je le soupçonnais avant de les connaître, mais depuis que je vis avec eux, leur manière et leur langage m'en ont convaincu. S'ils nous voyaient ainsi, tu serais perdu dans leur esprit. Ils ne feraient pas plus de cas de toi que de l'impertinent domestique dont tu m'as si bien vengé tout à l'heure. Cependant, je dois convenir que M. Dorvaux, sous ce rapport-là, vaut un peu mieux que les autres. Mais devant lui comme devant tous, je m'observerai. Tu peux être tranquille. » Noble et généreuse créature, dit Clément, en lui rendant avec effusion ses caresses. Au même instant, Jacques reparaît dans le bosquet. « Eh bien, Thérèse, vous n'entendez donc pas ? Mademoiselle vous a déjà appelé trois fois, et vous savez qu'elle n'aime pas qu'on la fasse attendre. » Il ajoute en s'adressant à Clément avec un sourire significatif. « Je prie monsieur de recevoir mes excuses. Je suis encore bien plus désolé qu'il y a un instant d'avoir dérangé monsieur. » Thérèse se sauve en rougissant. Jacques se retire en ricanant. Clément est tout à fait déconcerté. L'heure du dîner arrive. Clément n'a pas encore recouvré sa présence d'esprit. Il semble indifférent aux amitiés de Georges, aux prévenances que Fulgence se croit obligé d'avoir pour lui. Il est assis à côté de Mademoiselle Dorvaux, et ses yeux ne se tournent pas vers elle, et il ne trouve même pas à lui dire une de ces phrases de politesse banales qui sont dans la bouche de tout le monde. Monsieur Dorvaux, curieux de juger l'homme qui lui a été recommandé si vivement, lui adresse plusieurs questions. Il n'obtient que des réponses timides, incomplètes, souvent à contresens, et commence à prendre une opinion peu favorable du protégé de son neveu. Clément ne se rend compte ni de ses distractions, ni de l'étrangeté de sa conduite. Une seule idée paraît le préoccuper. Il a le regard constamment fixé sur la porte de la salle à manger. On dirait qu'il tremble de la voir s'ouvrir. Il tremble en effet. Si cette porte s'ouvrait pour lui laisser voir sa sœur mangeant à l'office avec les autres domestiques, pendant qu'il dîne à la table des maîtres, cette dernière mortification serait au-dessus de ses forces. Après le dîner, on descend dans le jardin, on se promène, on va traverser le bosquet où Clément a embrassé Thérèse. « N'entrons pas ici, se hâte de dire Mademoiselle d'Orvault avec un sourire moqueur. Monsieur Toussaint pourrait regarder cela comme une profanation. » Il est aisé de comprendre que Jacques a parlé et dans quel sens. Le terme de supplice est enfin arrivé. Clément se retire. À peine a-t-il franchi le seuil de la porte. « Oh, que j'ai souffert !» s'écrie-t-il, en déchirant ses gants avec rage. « Jamais, non jamais, je ne remettrai les pieds dans cette fatale maison !»